Salut à toutes et tous, la tribu. J'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette 34e Vampire Freaks chaque semaine à la même heure sur votre radio favorite, mais aussi sur archive.org. Et c'est Spike qui débarque dans votre salon. On commencera cette émission avec Judas Priest et Metal Gods. C'est sur l'album British Steel sorti en 1980. On peut entendre Breaking the Law, Grind, Living After Midnight notamment. Je passe ensuite Lola Root Girl de J'aurais voulu, c'est sur l'album Sur nos routes sorti en 2015. On retrouve Tattoo, Amour et peine et Qui sauvera mon âme entre autres. On s'écoutera ensuite Oba Oba de Tikenja Fakoli. C'est sur l'album Cours d'histoire sorti en 1999. On peut entendre Discrimination, Politique et qu'elle est et Les Martyrs. Je diffuserai ensuite Dust de Cypress Hill. C'est sur l'excellent Skulls and Bones sorti le 25 avril 2000. On retrouve Another Victory, High Life et Get Out of My Head, et entre beaucoup d'autres. Et oui, c'est un double album, un plus hip-hop, Skull, et un peu plus rap, Bones. Et on finira ce bloc en live avec Rivers de Steel Pulse. C'est sur le Rastafari Centennial à l'Élysée Montmartre en 2003. On peut entendre State of Emergency, Taxi Driver et Stay with the Redeem notamment. We'll be right back. Kentucky Metal Maniacs here tonight. Is everybody ready for what we call Judas Priest-style heavy metal? Elle n'a peur de rien. Elle traîne tard le soir, au concert ou dans les bars. Elle a confiance en personne, faut pas la chercher. C'est une punk rockeuse, moitié haineuse, moitié teigneuse. Elle vit sans lendemain. Se moque bien de son destin. Que la nuit, au milieu des rats et des souris, elle ne se sent libre qu'entourée de ses amis. Avec ses dogs coquets, elle martèle le pavé, toujours le doigt en l'air, à la face de cette société. Elle vit sans lendemain. Se moque bien de son destin. Au comptoir, vivre à fond avant de vieillir, sans penser à l'avenir. Elle vit dans son paradis avec son instinct de survie. Elle ne pourra jamais sombrer, les étoiles sont sa destinée. Elle vit sans lendemain. Se moque bien de son destin. Tout ça c'est oba oba. Oba oba. Tout ça c'est oba oba. Tout ça c'est oba oba. Oba oba. Tout ça c'était oba oba. Tout ça c'est oba oba. Oba oba. Tout ça c'était oba oba. Oba oba. L'Afrique a voulu, les dirigeants n'ont pas pu. Promesse annoncée, promesse oubliée. Corruption, xénophobie n'ont pas eu d'adversaire. Mon peuple pleure parce qu'il n'en peut plus. Tout ça c'est oba oba. Oba oba. Tout ça c'était oba oba. Oba oba. Tout ça c'est oba oba. Oba oba. Tout ça c'était oba oba. Oba oba. Nous avons voulu, mais cette fois nous n'avons pas pu. L'éléphant annoncé est est arrivé avec un pied cassé. Corruption, xénophobie n'ont pas eu d'adversaire. Mais on nous fait croire que tout va très bien. Mais ça, ça veut dire, ce que ça veut dire, ça, ça veut dire. Tout ça, c'est oba, oba. Tout ça, c'est des oba, oba. Tout ça, c'est oba, oba. Tout ça, c'est des oba, oba. De l'autre côté, il continue de nous faire marcher sous le soleil et la pluie. Souvent, ils ont des militants qui les abandonnent en pleine bataille. Et pendant les élections, ils vont toujours en rang dispersé. Mais ça, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça, ça veut dire. Jaboro malata nola, ah ah ah ah. Jaboro malata na. Jaboro malata nola, politicien ni meye we a fola. Jaboro malata nola, ah ah ah ah. Jaboro malata na. Jaboro malata nola, politicien ni meye we a fola. Jaboro bero komolo, olu ye we a fola. Aburo no mangoro molo, olute tunye fola. Jaboro malata nola, ha ha ha ha. Jaboro malata na. Aburo malata nola, politicien limbeye wea fola. Anye wala ngoleba, ngoba anye wala nyaleba. Anye wala ngoleba, ba anye wala nyaleba. Jaboro malata nola, jaboro malata nola, oh oh oh, jaboro malata na, jaboro malata na, jaboro malata nola, jaboro malata nola, oh oh oh, jaboro malata na, oba oba. Make it sound rough, beating up stepping directions of blessing, feeling the heat of the tension, I'm kissing, it's rushing. Life is a battlefield, the ghetto, you really die. Think of how that'll feel, sad, but real glad to build up your high. And going through changes, the pages keep turning and burning, the rage is concerning, the stage is becoming a sermon. Searching for harmony, you wanna be bombing me, but you never get over cause I'm killing your whole philosophy. Rising like temperature, a signature flow, went with your scavenger, sent with your posse. Watch me, I'm truly tempering y'all. Must be sipping the liquid to try to get with the sickness. Only the hardest will live it, and only the real will begin it. I'm an assassin, a soul, out of control when I roll. You better hide in your hole, I got your name on my scroll. There ain't no running from me, assassins are cunning, you see. Blasting at those you will be, clashing and lashing at we. Coming through all, coming through deep, the hardcore. They want more Cypress Hill, solo assassin, we spoke it. 420 all day, we ain't joking. Something up, nothing less than the hard stuff. Exit for the stench, make it sound rough. Beating up on your bumps, it's a damn must. Get up in my way, I'll put your ass right down. Yeah. Vous êtes toujours dans la 34e Vapeur Afrique sur votre radio favorite et c'est Spike qui débarque dans votre salon. On vient de s'écouter Metal Gods de Judas Priest en live, j'avais même pas fait gaffe. Lola Root Girl de Je l'ai revoulu, Oba Oba de Tiken Jaffa Coli, Dust de Tipper Seal et Ravers de Steel Pulse en live. On poursuivra avec les Vilains Clowns et J'ai perdu l'Eurovision. C'est du super putain d'album sorti en 2015. On retrouve le putain de t-shirt pour le rock'n'roll et à la gloire des prolos, entre autres. On s'écoutera ensuite Def Leppard et Let's Go Rocked. C'est sur le somptueux Def Leppard sorti en 2015. On retrouve Dangerous, We Belong et All Time High, entre autres. On s'écoutera ensuite Don't Trouble, Trouble d'Arno. C'est le nouvel extrait de l'album Human Incognito, sorti dernièrement. On retrouve Please Exist, une chanson absurde, et I'm Just an Old Motherfucker notamment. Je diffuserai ensuite Tell Me Why de The Beatdown. C'est sur l'album The Beatdown, sorti en 2010. On retrouve It's Alright, Justice et Beatdown. On finira ce bloc en live avec Lofofora et Trompe la Mort. C'est sur l'album L'Épreuve des Contraires, sorti le 15 septembre 2014. On peut entendre L'Innocence, La Haine et Pyromane, entre autres. Je suis comme un chanteur malheureux qui chante. To do nothing, back down. rock's out of the question. Sunday weekend, up all night. Cold. Maybe I'm not the one to be loved. And she said, Vous êtes toujours dans cette 34e Vampire Freaks, chaque semaine à la même heure, et c'est Spike qui vous accompagne. On vient de s'entendre J'ai perdu l'Eurovision des vilains clowns, Let's Go Rocked de Def Leppard, Never Trouble Trouble de Arnaud, Tell Me Why de Beatdown et Trompe la Mort en live de Lofofora. On poursuivra cette émission avec What a Shame de Darkoustic, c'est sur le fabuleux Outzone sorti en novembre 2015. On retrouve You, Dorca, Dancing Peace notamment, sûrement le meilleur album de Darkoustic. Tiens, en exclusivité, le nouveau single de Les Crétins des Alpes, Rastafarien, Rasta à la maison, c'est sur l'album Chevalier Crétin qui vient de sortir. On peut entendre Chevalier Crétin, C'était les Shérifs, chanson hommage à ce mythique groupe de punk français de Montpellier et les Secoués du Sac à dos notamment. Allez faire sur un tour sur la page Facebook de Les Crétins. Ah oui, mais Les Crétins des Alpes, c'est L-A-I-D-S, les comme vilain, Les Crétins des Alpes. Vous pouvez écouter, commander et ou télécharger tous les albums de Les Crétins des Alpes sur le site Bandcamp. L'album vient de sortir, il tourne déjà en boucle à la maison. Tiens, une fois n'est pas coutume, un petit morceau 43 et un os dans la noce. C'est sur l'album numérique Chaos de l'Humanité, sorti en décembre 2015. On retrouve aussi Attentat Rock, dont on va tourner le clip d'ici une à deux semaines, La Rage dedans et Tibé Libre aujourd'hui, entre autres. Je diffuserai ensuite Fidel Fiasco et El Metro, c'est sur l'album. Énorme album banal et pathétique, sorti en 2015, on peut entendre Au nom du profit, Le gars de carrière, Le monde m'énerve et plein d'autres. Et on finira ce bloc en live avec Les Shérifs et Hisser le drapeau noir, c'est sur l'album Bang, sorti en 2014. On retrouve Pile ou Face, Pendant les hauts et courts, et Pas de doute entre beaucoup, beaucoup d'autres. Et oui, c'est un double album. Non mais il y a un truc bien... Non mais c'est un truc bien. C'est quoi que je comprends pas dans bien? Vampire Freaks, l'émission radio où Spike ça, débarque dans notre salon. Vampire Freaks, ça arrache. Je souhaite présenter cette émission pendant encore de nombreuses années. Vampire Freaks, ça arrache. Très bon son maison. Vous aimez le bon son live? Ça tombe bien, moi non plus. On commencera cette émission avec Queen et A Kind of Magic, car ce moment de partage avec vous, mes amis, est un peu magique. Vampire Freaks, ça arrache. Très bon son maison, plein de grands classiques. Dernièrement, j'ai reçu Come to the Dark Side, l'album de Be Now. Vampire Freaks, ça arrache. Très bon son maison. Vampire Freaks, l'émission radio où Spike débarque dans votre salon. Dans cette émission, je passerai la fille à Nelson Montfort, la revanche de Nelson, par un Ben. T'avais pas plus court comme titre. Yo, c'est Bino, donc je voulais remercier la Vampire Freaks et Spike donc pour les diffusions dans son émission. Parce que du coup, ça permet d'avoir un auditoire que je n'avais pas forcément, que les Webwardio m'avaient recalé. Et du coup, lui, il m'a accepté, donc je le remercie. Et longue vie à son émission, longue vie à la Vampire Freaks, longue vie à Spike. Et continuez à écouter la seule émission 100% approuvée par Chuck Norris et Raptor Jésus. Allez, ciao, à bientôt. Low and dear, people are just but to each other. talking about each other instead of talking to each other. The rich is bad to the rich, the poor is bad to the poor. We are afraid of one another, we are one exchange. Des jambons. Rastafari. J'ai le cerveau qui lag, qui bug. Ça fait des plombes que je bosse. Parfois je me dis un plug. Il y a un os dans la noce. Il faut continuer à croire en la valeur de la vie pour ne pas la saccager. Avec la peur de ne pouvoir mieux faire. Trop de fric dans le business et encore on nous parle de crise. Belle logique de mes fesses et c'est la terre qui lâche prise. Il faut continuer à croire en la valeur de la vie pour ne pas la saccager avec la peur de ne pouvoir mieux faire. Un cheval de feu m'investit en mon âme et subconscience. Les trois quarts du globe détruit. Humain, mais où est donc passée votre conscience? Il faut continuer à croire en la valeur de la vie pour ne pas la saccager avec la peur de ne pouvoir mieux faire. Je ne suis pas le sauveur, mais remettons-nous en question. Il est temps d'affronter vos peurs. Il faut continuer à croire en la valeur de la vie pour ne pas la saccager avec la peur de ne pouvoir mieux faire. Vous êtes toujours dans cette 34e Vampire Freaks, l'émission radio où Spike débarque dans votre salon. On vient de s'écouter What a Shame de Darkoustics, Rastafarien, Rasta à la maison de Les Crétins des Alpes, Un os dans la noce de Morsen 43, El Metro de Fidel Fiasco, et on a terminé en live avec Hisser le drapeau noir avec les shérifs. Alors, on poursuivra cette émission avec Ain't No Right de Jane Addiction, c'est sur Ritual de l'Habitual, sorti en 1990, on peut entendre No One Is Living, Then She Did, Three Days, entre autres. On s'écoutera ensuite Cover You Heal All d'ACDC, c'est sur Ball Breaker, sorti en 1995, c'est le 13e album studio d'ACDC. On retrouve Hard as a Rock, Boogeyman et Whiskey on the Rocks notamment. Un nouveau groupe, un nouveau style s'invite dans la Vampire Freaks. Il s'agit du métal symphonique. J'aime beaucoup et je souhaite le partager avec vous de temps en temps dans cette émission. Et aujourd'hui, c'est Epica qui ouvre le bal avec The Obsessive Devotion. C'est sur l'album de Divine Conspiracy, sorti en 2007. On peut entendre Menace of Vanity, le planant Chasing the Dragon et le classique Never Enough. Je passe ensuite Café Cacao d'Alpha Blondie. C'est sur SOS Guerre Tribale, sorti en 1993 en France, mais en 1991 en Côte d'Ivoire. C'est l'8e album studio d'Alpha. On peut entendre Sida in the City, Sissé Kiri et Babylon Kelly notamment. Et on finira ce bloc en live avec Blue Oyster Cult et Flaming Telepass. C'est sur Secret Treaties, sorti en 1974. On retrouve Carrier of Evil, KG Cretins et Harvesters of Vice, entre autres. In a motherfucking bad wing game, blew down my home. Give it tough. Come on now. of this obsessive devotion. Buy it, buy it, buy it, buy my cocoa. And the joke's on you. joke's on you. And the joke's on you. And the joke's on you. And the joke's on you. And the joke's on you. Vous êtes toujours dans la 34e Vampire Freak sur votre radio favorite et c'est Spike qui vous accompagne. On vient de s'écouter Ain't No Right de Jane Addiction, Cover You In All Days This de Obsessive Devotion de Epica, Café Cacao d'Alpha Blondie et Flaming Telepass en live de Blue Oyster Cult. On continuera cette émission avec Dos à Dos de la Dubbing. C'est sur Hors Contrôle, sorti en 2010. On retrouve tout ce qu'ils veulent. C'est une France qui ferme pas gueule. Laisse le temps. Crazy Island notamment. Je diffuserai ensuite Cowboy, Cowboy de Lindemann. C'est sur Skills in Pills, sorti en 2015. On retrouve Skills in Pills, Lady Boy et Fish On. On s'écoutera Happiness des Bad Manners. C'est sur Heavy Petting, sorti le 4 novembre 1997. C'est le 8e album studio des Bad Manners. On peut entendre Dunk Knock de Bullhead, Black Knight et Red River Ska, entre autres. Je passerai ensuite Eastman Skunk de Dillinger. C'est sur l'énorme Bionic Dread, sorti en 1976. On retrouve King of the Road, Combination 2 et Invisible Dread. Et on finira ce bloc en live avec Ziggy Marley et True to Myself. C'est sur l'album In Concert, sorti en 2013. On peut entendre Personal Revolution, Tomorrow People et Black Cat notamment. Ce qui rapporte le plus, c'est la peur du voisin. Reste bien enfermé, mais sous clé tout est. connais bien. Fais confiance à l'État, il veille au quotidien. Maintenant faut que tu laisses ton époque et me fasse confiance, tout ça je vais m'en occuper. Vous la populace avez peur des faits, et bien moi je vous invite à voter. C'est la même technique pour faire monter la pression. S'intéresse à la forme sans jamais parler du fond. C'est la même technique avant des élections. Dis-moi pour qui vote quelqu'un qui a les jetons. Ils disent qu'il y a des terroristes et des gangsters dans tous les ghettos. Car ils mettent tout le monde dos à dos. Qu'il faut les militaires dans ces guerres pour gagner des euros. Donc ils veulent tout le monde dos à dos. Qu'on pourra rien faire sans se taire et devenir parano. Donc tout le monde se met dos à dos. Tu sais, un homme qui a peur se laisse faire et n'en prend jamais trop. Donc on reste tous dos à dos. Je reste vif et wicked. Tout en leur manigance qu'on manipule pour qu'on dorme. Comme l'ont fait nos pères, je reste méfiant et intrépide. Et toi tu as l'ordre de toi-même et de tous les hommes. Finalement je me demande si t'es à même de voir tout ça. Y'a pas liberté et tu dors. Fatalement on te montre que t'es tout seul face à tes combats. Et moi y'a tranquille faut que tu restes. Toujours bien oublié et jamais ne proteste. Faut qu'on se manifeste, ils veulent qu'on fasse la sieste. J'enlève la camisole avant que ça ne devienne funeste. Rise up, comme c'est forcément bien, je veux respirer. Mash up, avec ce son ici, on vient te retourner. Pull up, alors que ma tête aussi est pleine à craquer. Wake up, pour se réveiller. Ils disent qu'il y a des terroristes et des gangsters dans tous les ghettos. Car ils mettent tout le monde dos à dos. Qu'il faut les militaires dans ces guerres pour gagner des euros. Donc ils veulent tout le monde dos à dos. Qu'on pourra rien faire sur ce terre et devenir parano. Donc tout le monde se met dos à dos. Tu sais, un homme qui a peur se laisse faire et n'en demande jamais trop. Donc on reste tous dos à dos. Ils disent qu'il y a des terroristes et des gangsters dans tous les ghettos. Stop it. A Eastman skank in a Ireland. A a higher ranking. Canada Eastman skanking. Come in, out of McGregor Gully. I will tell you to do Holy Gully. Out of McGregor Gully, where we used to do the Holy Gully. You know, and now we out of Rockford, where I used to row my boat out of Rockford. I will tell you that. Yeah, you know, we out of East, and then I row across to Gunboat. From Rockford, straight across to Gunboat, I row my boat. You know. Eastman's gang in a higher ranking. Me say the east and the west are the best. The east and the west are the best. The east and the west are the best. Them say the smart man come from the north. Them say the smart man come from the north. Say the wise man come from the east. The rich man, the best man come from Rasta from the west. Say the best they are less. Sounds got the east man's gang to confess they. You know, kind of ballistic style come a run wild baby. So ride on it, see my head on it. You know, yeah. I'm said, everybody say it, got to be. You know what you got to do, got to be true to myself. Everyone must know. On vient de s'écouter Deux à Deux de la Dubbing, Cowboy de Lindemann, Happiness des Bad Manners, Eastman Skank de Dillinger et True to Myself de Ziggy Marley en live. Cette 34e Vampire Freaks touche malheureusement à sa fin, je vous remercie encore de l'avoir suivi. Laissez-moi vos messages et dédicaces sur la page Facebook de l'émission Vampire Freaks, l'émission radio. Comme générique cette semaine, j'ai choisi la superbe reprise de l'aventurier d'Indochine par les Québécois de The Kingpins. C'est sur Plan of Action, sorti en 2000. On retrouve Consequence, Sig Valentino, Take It Uptown, notamment. À la semaine prochaine, même heure, même endroit, sur votre radio favorite, mais aussi sur archive.org. Salut à toutes et tous, la tribu!